Les monstres marins doivent mettre des préservatifs. C'est la conclusion du rapport remis par Julius Claudius Mobalpa au président du Sénat. Depuis plusieurs dizaines d'années déjà, les monstres marins de l'Adriatique se distinguent d'une manière peu ragoûtante par leur forte propension à éjaculer partout lorsqu'ils débarquent sur la plage. On ne sait toujours pas pourquoi ils font ça. Peut-être la joie d'aller manger des humains, peut-être le souvenir heureux des grandes vacances. Ça n'a pas l'air grave comme ça, mais il faut savoir que ces monstres marins ont des biroutes immenses et des testicules assortis qui sont gros comme des barriques. Alors, quand ils débarquent avec un sourire béat et un œil à moitié fermé, et qu'ils se lâchent sur le sable, c'est comme le gros rouge, ça tâche. Et cela nuit à l'industrie touristique. Il faut donc les équiper de préservatifs pour contenir ces débordements et permettre aux estivants qui ont survécu à l'invasion de poursuivre leurs vacances sur une plage immaculée. Il reste un point à régler, c'est la question du matériau à employer pour confectionner ces monstrueux chapeaux à bites. Julius Claudius a bien fait rire le Sénat en déclarant qu'il comptait utiliser de la bonne vieille toile de jute. Affaire à suivre.